Ils sont nés près de Barcelone. Ils ont grandi en Australie. Ils se sont aimés à Paris. Mais ils s'en vont encore d'ici, les nomades. Ils ont habité la roulotte, les quatre planches qui cahotent, de Saint-Ouen ou Sainte-Marie. Mais ils s'en vont encore d'ici, les nomades. Ni la couronne d'oranger, ni la cheminée de faux marbre ne leur mettent racine aux pieds. Ils ne sont pas comme les arbres, les nomades. Ils vont toujours de ville en plaine, il n'y a rien qui les retienne, et c'est la route qui les mène. En dimanche comme en semaine, les nomades. Ils ont eu froid comme personne, ils ont chanté mieux que nous tous, mais c'est la route qui les pousse, avec des fifres à leur trousse. Les nomades, qu'ils soient venus du fond des âges, tous les gitans, tous les tziganes, un violon leur a brisé l'âme, ils en gardent parfois des larmes. Les nomades, ni la peur de mourir un jour, quelques villes frontalières, sans tenir la main d'un amour, ne les arrête sur la terre, les nomades. Et quand on voit sous les platanes passer les mulets et les ânes, on a beau être des profanes, on voudrait suivre la caravane des nomades.